franceinter.fr. Aujourd'hui, Affaires Sensibles vous propose de réécouter l'histoire de Guy Georges, le tueur de l'Est parisien. De 1991 à 1997, il tue 7 femmes à Paris. La plupart, dans l'Est de la capitale, d'où son surnom. Pendant toutes ces années, les policiers du 36 Quai des Orfèvres vont chercher, enquêter et buter, oui, jusqu'au traumatisme professionnel. Les Français, eux, découvrent la figure des serial killers qu'ils pensaient réservée aux États-Unis et une sorte de psychose collective auto-alimentée d'ailleurs gagne la capitale et le pays tout entier. Pendant plusieurs mois, les policiers traquent ce tueur qu'ils ne parviennent pas à identifier. Ils savent, ils disposent d'un ADN commun retrouvé sur plusieurs victimes, mais impossible de mettre un nom sur le tueur de l'Est parisien. En seconde partie de l'émission, nous donnerons la parole à notre invité Frédéric Tellier, réalisateur du film L'Affaire SK, produit par Labyrinthe Film en 2013, adapté précisément de l'histoire de Guy Georges. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France, coordination Christophe Barrère, assistante de production Caroline Debray, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Coyenne Guyen, Jérôme Chélius et Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui, Mehdi Fatah. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Le 26 janvier 1991, il est minuit 48 quand le chef de groupe de la brigade criminelle de Paris de permanence, ce soir-là, est réveillé. Michel Bustamante a l'habitude de ses appels nocturnes. Cela fait presque 15 ans qu'il est inspecteur divisionnaire au 36 Quai des Orfèvres. Lui et son équipe doivent tout de suite se rendre sur la scène d'un crime à Paris dans le 14e arrondissement. Arrivé sur les lieux, l'équipe de Michel Bustamante entre dans l'immeuble et gravit les 6 étages qui mènent à une petite chambre de bonne. Sur le lit simple du petit studio gît Pascal Escarfaille, une jeune femme blonde de petite taille. Elle est dénudée, sa tête est renversée en arrière, ses bras sont derrière son buste. Elle a la gorge tranchée. On découvre son collant retourné, sa jupe à l'envers. Son t-shirt noir est rabattu vers le haut pour dégager ses seins. Le soutien-gorge est coupé entre les deux bonnets, son sous-vêtement aussi, des deux côtés. Entre le studio studieux et le corps de la jeune fille violentée et violée, le contraste est saisissant. Les 4 policiers sont sous le choc. Ils reprennent leur esprit et constatent les faits. Le sac à main de la victime, ses papiers d'identité, sa carte bancaire sont introuvables. Le téléphone a été arraché. À 3h du matin, Michel Bustamante appelle le père de la victime pour lui annoncer la terrible nouvelle. À l'autre bout du fil, Jean-Pierre Escarfaille reste sans voix. La douleur dans le silence. L'enquête commence. Elle sonde d'abord le voisinage, interroge les proches. La photo de Pascal Escarfaille et son dossier sont mises en évidence sur le bureau de Michel Bustamante comme une obsession, avec ce désir de ne jamais lâcher, considérer ce dossier comme une affaire personnelle. Mais rien, pas un témoignage, pas un élément, pas un début de piste pour retrouver le coupable. Dans ce genre de situation, on a coutume de dire que l'enquête piétine, une formule commode pour théoriser l'échec. L'absence d'effraction et les fragiles témoignages des voisins laissent penser que l'assassin est un proche de sa victime. Alors, son tour à tour soupçonné le père de Pascal Escarfaille, son petit ami, ses copines de la fac, le fils d'un magistrat, puis de nouveaux éléments viennent étayer le dossier, croit-on. Le rapprochement avec un autre crime quelques années auparavant dans la maison du grand-père de la victime. On soupçonne un électricien présent sur les lieux des deux drames. Pure coïncidence, des lettres anonymes sont envoyées. Fausse piste, là encore. Les enquêteurs ne le savent pas, mais ils viennent de découvrir le premier meurtre d'une série macabre. L'auteur de ce crime, c'est Guy Georges. En ce mois de janvier 1991, il est en semi-liberté à la maison d'arrêt de Caen. Le soir du drame, il a décidé de ne pas rentrer à la prison et il tue. De 1991 à 1997, Guy Georges va agresser et enlever la vie à une dizaine de femmes à Paris. Pascal Escarfaille est la première victime d'une liste. Pendant 6 ans, la brigade criminelle va traquer ce serial killer, le suivre tout au long de ses 7 meurtres et de ses agressions. Une longue traque dont la presse ne s'empare réellement qu'en 1997. 15 novembre 1997, Paris 11e arrondissement. Estelle Magde est retrouvée morte dans son appartement 2 mois seulement après la découverte du corps de l'étudiante Magali Sirotti par l'équipe du commandant Vasquez. Pour la première fois, l'hypothèse d'un tueur en série est évoquée par la presse. Sans vouloir exagérer, on peut dire ce soir qu'une petite psychose est en train de gagner le 11e arrondissement de Paris, autrement dit les quartiers de Bastille et de République. Dans cet arrondissement, en effet, on a retrouvé le week-end dernier le corps d'une jeune femme de 25 ans, égorgée, chez elle. Et on pense que son assassin pourrait être un tueur en série, un serial killer, comme on dit aux États-Unis, qui aurait déjà assassiné 2 femmes en 94 et 95 dans le même secteur géographique. Et peut-être d'ailleurs une 4e jeune femme, le 23 septembre dernier, cette fois-ci dans le 19e arrondissement. Depuis 3 ans, l'équipe de la brigade criminelle de Gerald Sanderson enquête sur une série de meurtres de jeunes femmes dans des appartements. Lorsqu'elle découvre le cas d'Estelle Magde, elle sait. Les policiers reconnaissent immédiatement la signature du tueur en série, celui qu'ils cherchent. Dans l'appartement, on trouve un sweatshirt gris clair à capuche. Les premiers prélèvements de sueur sur ce vêtement sont immédiatement envoyés pour analyse génétique. Les résultats confirment la première impression des policiers. Il s'agit bien de l'ADN de SK1 pour Serial Killer numéro 1, découvert dès 1995. En effet, c'est le même code génétique que celui retrouvé sur les autres scènes de crime le 9 décembre 1994 chez Agnès Nischkamp, une décoratrice d'intérieur de 32 ans. Et le 8 juillet 1995, chez Hélène Frimkin, une psychomotricienne de 23 ans. Toutes les deux ont été violées et égorgées selon le même rituel, et toutes les deux dans l'est de Paris. Et ce n'est pas fini. On trouve le même ADN que sur le mégot de cigarette laissé par l'homme chez Elisabeth Ortega, cette jeune femme rescapée. Dans la nuit du 16 au 17 juin 1995, elle a croisé la route du suspect, mais elle a réussi à s'enfuir. Alors elle devient le témoin clé de l'enquête. Elle dresse un portrait robot de l'homme, le décrivant comme maghrébin puissant et athlétique. Pendant des mois, elle aide les policiers dans leur patrouille, entre Bastille et République. Elle s'improvise auxiliaire de police. De surcroît, les enquêteurs ont dans leur jeu un autre indice. Chez l'une des victimes, ils ont retrouvé dans son sang une empreinte de pied dont le second orteil est plus grand que le pouce. C'est ce qu'on appelle un pied égyptien, assez rare pour être noté. Alors ils interpellent à tout va, ils déchaussent, ils vérifient, ils font des prises de sang pour comparer les ADN. Mais ce coup de pouce n'en est pas un. Les investigations sur ce terrain ne donnent rien. Le temps passe et quelques circonstances aggravantes s'invitent. Les attentats à Saint-Michel de 1995, la mort de la princesse Lady Di, autant d'événements qui mobilisent les enquêteurs et les détournent de leur objectif. Ainsi, quand il découvre en 1997, coup sur coup, les cadavres de Magali Sirotti et d'Estelle Magde, il est trop tard, le tueur est revenu et a encore sévi. Chez les parents des victimes, c'est la colère et l'incompréhension. Ceux de Magali Sirotti confient leur effroi. On ne sait rien, depuis 2 mois, on ne sait rien. Ils nous ont rien dit, c'est tout. Il faut surtout absolument que ça cesse, qu'il n'y en ait pas d'autres. Parce que, on disait peut-être qu'ils vont l'attraper parce que notre fille, bon... C'est la dernière, il faut que ce soit la dernière, et puis ouais. Non, malheureusement, maintenant une autre famille est dans le même cas que nous, et c'est malheureux à dire. Et pourtant, depuis un an, une nouvelle patronne est arrivée à la tête de la brigade criminelle. Elle s'appelle Martine Monteil. On l'a dit poigne de fer dans un gant de velours, capable de remettre de l'ordre au 36 quai des Orfèvres. Et puis, elle fait de l'assassinat de femmes une priorité, une affaire personnelle, elle aussi. La policière sent que dans cette histoire, quelque chose cloche. Elle détecte un manque de discussion et de cohésion entre les équipes, notamment entre celles de Gérard Sanderson et de Christian Pellegrin. Le premier s'occupe des meurtres en appartement, le second enquête depuis 1994 sur 2 meurtres perpétrés dans des parkings, ceux de Catherine Rocher, le 6 janvier 1994, et d'Elsa Benadi, le 6 novembre de la même année. Même tableau, les 2 femmes ont été retrouvées, violées, poignardées dans leur voiture, dans un parking souterrain. Dans les 2 cas, aucun témoin. Une tache de sang sur un prospectus et une empreinte digitale sur le capot de la voiture pour seul indice. En revanche, c'est le même mode opératoire. Les sous-vêtements sont découpés à l'arme blanche entre les bonnets pour le soutien-gorge, sur les côtés pour le sous-vêtement. La braguette des pantalons est découpée. Les victimes présentent des traces de coups de couteau sur la poitrine et sur la gorge. Détails sordides, mais éléments fondamentaux pour l'enquête, d'où leur évocation dans ce récit. Certes, des éléments diffèrent entre les meurtres des appartements et ceux des parkings, mais tout de même, il y a des similitudes. Et c'est aussi ce que se dit la troisième équipe, celle de Michel Bustamante, qui travaille depuis des années sur le meurtre de Pascal Scarfaille et le meurtre de 1991. Au moment de l'assassinat d'Estelle Mac dans 1997, le dernier en date, un membre de l'équipe entend la description de la scène découverte par ses collègues. Il demande à voir les photographies. Il les compare à celles de Pascal Scarfaille. Bingo, c'est du copier-coller. En cette fin d'année 1997, la brigade criminelle en est désormais quasi certaine. Les sept meurtres commis de 1991 à 1997 sont l'œuvre du même tueur. Alors on s'active et on décide de rappeler la rescapée, Elisabeth Ortega, pour mettre à jour le portrait robot du suspect et le diffuser. Depuis ce matin, le portrait robot du tueur en série de l'Est parisien est placardé sur les murs de tous les commissariats. Il est aussi publié aujourd'hui par Le Parisien et par France Soir. Du coup, le téléphone n'a pas arrêté de sonner à la brigade criminelle et ce soir, il semblerait que la police ait élargi son enquête. On parlerait maintenant de 7 meurtres. La brigade criminelle se retrouve face à ce qu'elle redoute depuis le début, une fuite médiatique. En effet, la presse diffuse l'information. Les familles des victimes prennent la parole. Le tueur en série se retrouve sous le feu des projecteurs. Cette exposition pourrait le faire fuir, donc il faut agir, et vite. Toutes les équipes se mettent sur l'affaire. Le juge d'instruction en charge du dossier, Gilbert Thiel, passe à la vitesse supérieure. C'est une course contre la montre. Les policiers lancent un appel à témoins. Le suspect est de type nord-africain, âgé de 25-30 ans. Il mesure entre 1m75 et 1m80. Athlétique, 80 kilos environ, teint très mat. Il s'exprime en français, sans accent, porte un blouson de type Bombers, couleur foncée, un numéro vert est diffusé. À partir du 26 novembre 1997, le portrait robot du tueur présumé est partout. La presse le publie en une, les journaux télévisés ouvrent sur le monstre de la Bastille, comme ils disent, le tueur de l'Est parisien. Alors l'inquiétude s'installe à Paris. Pas forcément la psychose, mais l'inquiétude. Jour et nuit, la police est harcelée de coups de téléphone. Tout le monde pense avoir croisé le serial killer au coin de la rue. Les jeunes femmes n'osent plus sortir ou rentrer seules la nuit. Les ventes de bombes lacrymogènes explosent. Les journalistes sondent ce sentiment qui gagne tout un quartier de la capitale à l'image de cette femme qui témoigne au micro de France Inter. Les gens en parlent beaucoup, les gens ont peur et les gens achètent le journal pour voir le portrait robot et voir ce qu'il en est, essayer de faire quelque chose pour que ça avance et qu'on le retrouve, je crois. On achète le journal pour le portrait robot et à la suite de ça, eh bien, certaines personnes ont l'impression systématiquement de l'avoir rencontré ou de le côtoyer quotidiennement. C'est sûr, c'est lui. Bon, certaines personnes, effectivement, sont persuadées d'avoir côtoyé le meurtrier. Bizarrement, je pensais qu'étant donné que c'est un personnage qui a l'air de s'attaquer aux jeunes femmes, c'était plutôt les jeunes femmes qui avaient peur. Apparemment, non. Les jeunes femmes ont peur, mais aussi les femmes, les gens âgés, un petit peu tout le monde se sent concerné. Dans le voisinage, des portes qui étaient habituellement assez ouvertes de jour comme de nuit, des portes d'immeubles qui ont un code, sont maintenant fermées parce qu'on prend des précautions. Chez le juge Gilbert Thiel et au 36 quai des Orfèvres, le plus important reste l'identification du tueur. Et on sait à quel point un portrait robot est fragile. Alors, que faire? Eh bien, c'est une faille juridique qui va venir au secours des enquêteurs et leur permettre de découvrir enfin qui se cache derrière le tueur de l'Est parisien. You're bored. juge d'instruction Gilbertil fait partie de ces hommes que la réputation précède. Sa bonhomie et son franc-parler sont légendaires. Bourreau de travail, il peut se montrer parfois expéditif. Depuis qu'il a pris en charge le dossier des meurtres du tueur en série de l'Est parisien, il s'en est fait la promesse. Lui et les équipes mobilisées retrouveront l'homme qui a commis ces crimes. Obsessionnel, là encore. Le problème, c'est qu'en 1997, il n'existe pas en France de fichier de recherche génétique national qui centraliserait les ADN des différents criminels sexuels. Alors Gilbertil profite d'une faille juridique. La loi interdit de constituer des fichiers génétiques, effectivement, mais elle n'empêche pas de comparer au cas par cas un ADN avec d'autres traces. Le juge d'instruction ordonne alors à tous les laboratoires de France de comparer l'ADN masculin inconnu de SK1 à ceux dont ils disposent dans leur laboratoire, un par un. Et le 24 mars 1998, l'initiative paye. Le docteur Pascal du laboratoire de génétique de Nantes téléphone au juge-t-il. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, lui dit-il. Il commence par la bonne. On a identifié le tueur. Oui, il s'appelle Guy Georges. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est déjà passé par les services de la crime au cours de l'enquête. Au 36 quai des Orfèvres, l'ambiance est lourde. Soulagé de mettre enfin un nom sur le tueur de la Bastille, mais atterré à l'idée que eux, les enquêteurs, ont laissé passer cet individu, ce criminel entre les mailles du filet, c'est insupportable. 3 ans auparavant, Charles Pellegrin a auditionné Guy Georges. Effectivement, il est en prison pour agression. Or, cet individu n'était pas maghrébin, métis, et puis n'avait pas le pied égyptien, enfin rien qui ne corresponde aux premiers indices relevés après les premiers meurtres de femmes à Paris. Alors, on oublie cette piste. Quoi qu'il en soit, il faut traquer le suspect dans la capitale. Il n'y a plus de temps à perdre. Sa photographie est distribuée à tous les commissariats de la ville. Tous les services sont mobilisés et patrouillent dans Paris. Des journalistes apprennent la nouvelle, la police leur demande avec insistance d'attendre avant de révéler l'identification du tueur présumé. Autant demander à un notaire d'établir un faux. Et ce qui devait arriver arrive, le 26 mars 1998, RTL annonce en exclusivité que le tueur de l'Est parisien a été identifié par la brigade criminelle. Colère chez les policiers, aveu de naïveté. Heureusement ce matin-là, Guy Georges n'écoute pas la radio. Vers 2h47, il est reconnu à proximité du métro Blanche par 2 agents qui se lancent à sa poursuite et parviennent à l'arrêter. Cette commerçante raconte. J'ai vu 2 messieurs plaquer un autre, donc j'ai pris peur. J'ai d'abord voulu appeler directement la police parce que je pensais que c'était une bagarre. Et quand j'ai vu sortir des menottes, j'ai compris que c'était des policiers en civil. Ils m'ont juste demandé s'il y avait un endroit calme pour essayer de discuter. J'ai dit oui, je les ai envoyés au fond de l'appareil, ils se sont mis là. Et après, je les ai vus jubiler, sauter de joie, quoi. Ils se sont, c'est tout. Maintenant, j'ai peur parce que je pensais que c'était une petite affaire, mais maintenant qu'on me dit ce que c'est, j'ai peur. Mais maintenant, oui, je suis contente, comme tout le monde, quoi. Et un peu aussi soulagée. Mais sur le coup, j'ai pas réalisé l'importance de ce qui se passait en face de moi, quoi. Jubilation des 2 policiers après 3 jours de traque intense. Ils attrapent l'ennemi public numéro 1, le principal suspect dans cette série de meurtres dans l'Est parisien. Dans la foulée de son arrestation, Guy Georges est amené à la brigade criminelle. La scène qui suit appartient à l'histoire du 36 quai des Orfèvres. Menotté et tenu par 2 hommes, Guy Georges entre dans le mythique bâtiment de la PJ parisienne. Il a le front en sang après avoir heurté la devanture du magasin au moment d'interpellation. Alors, il entame la montée des 105 marches qui mènent au bureau de la crime. Une haie d'honneur s'est formée à droite et à gauche de l'escalier. Tous veulent voir l'homme qu'ils recherchent depuis 7 longues années, le personnage qui a hanté leur nuit. En haut des marches, Guy Georges se retrouve face au juge Gilbertil. Le magistrat lui demande s'il sait pourquoi il est là. Guy Georges répond « Non, c'est pas moi ». Il s'évanouit. Une fois remis sur pied, il retourne devant le juge qui lui notifie 4 mandats d'arrêt pour les 3 homicides pour lesquels on a retrouvé son ADN. Les policiers n'ont que 48 heures pour essayer de faire avouer à Guy Georges tous ses crimes, le temps légal d'une garde à vue. Ils veulent obtenir des aveux circonstanciés pour les meurtres sur lesquels ils n'ont pas de preuves tangibles. Le suspect commence par nier, puis finit par craquer et se met à parler. Les policiers préviennent alors leurs collègues qui enquêtent sur le premier meurtre, celui de Pascal Escarfaille, en 1991. Le policier en charge du dossier se retrouve donc face à l'homme qu'il cherchait depuis près de 7 ans. Vertige. Il l'installe dans un cadre confortable, dans la pénombre, lui sert du café calmement. Guy Georges a décidé de parler, alors il raconte ce qui s'est passé cette nuit du 24 janvier 1991. Extrait du procès-verbal, écrit cette nuit-là. Je me suis levé ce matin-là, et je savais que je tuerais avant la nuit. J'ai pris un Opinel et du Chatterton, et le soir, j'ai vu passer cette belle fille blonde. Elle m'a tout de suite plu et j'ai flashé. Je l'ai suivie. Je l'ai doublée dans l'escalier pour monter au dernier étage car je ne voulais pas l'inquiéter de suite. En haut, elle m'a demandé ce que je voulais. J'ai déplié mon couteau. Un gros Opinel numéro 12. Je lui ai répondu « Toi ». J'ai attaché ses mains avec du sparadrap que j'avais amené. J'ai coupé son slip sur les côtés avec mon couteau. J'ai également coupé son soutien-gorge devant, entre les bonnets. Une fois les actes sexuels accomplis, elle a essayé de me donner un coup de pied. Cela m'a mis en colère. Je suis sûr que dès le départ, j'avais l'intention de la tuer, sans vraiment trop savoir pourquoi. Je l'ai poussée sur le dos dans son lit et lui ai incisé la gorge. Une fois que j'ai constaté sa mort, j'ai retiré l'esparadrap. Je suis allé me laver les mains. J'ai pris deux bières sous l'évier. J'en ai bu une. Puis c'est au tour de l'inspecteur en charge du dossier, Magali Sirotti, d'entendre Guy Georges. Là encore, le suspect reconnaît les faits, dans les moindres détails. Mais pour les deux meurtres dans les parkings, Guy Georges ne veut pas reconnaître sa culpabilité devant le juge. Il finit pourtant par tout raconter aux enquêteurs chargés de l'affaire. Guy Georges est emprisonné. Son procès commence 3 ans plus tard. Un procès que les familles attendent, bien sûr, pour essayer de comprendre, pour tenter de faire leur deuil, selon la formule consacrée. Le 19 mars 2001, cour d'assises de Paris. À 10h10, la silhouette massive de Guy Georges entre dans le box des accusés. En face se tiennent les parties civiles composées des parents des disparus et de leur avocat. Le président du tribunal présente à Guy Georges les chefs d'accusation. Agression, vol aggravé, 7 meurtres avec préméditation. Il encourt la réclusion à perpétuité. « Je veux dire que je n'ai rien à voir avec les faits qui me sont reprochés », répond-il. Stupeur dans la salle. La preuve génétique et les aveux circonstanciés sont là, mais non. Il clame son innocence. Son avocat, Alex Ursulet, s'en explique. Guy Georges apparaît tel qu'en lui-même il est, alors qu'on avait procédé de lui un portrait invraisemblable pendant ces 3 dernières années. Et j'espère qu'au bout de ces 15 jours, l'on verra bien la différence qu'il y a entre ce personnage fantasmatique présenté par l'accusation et la personne et l'homme qu'il est. C'est ça l'avantage de ce procès, de ce vrai procès à la cour d'assises. Ce n'est pas le procès virtuel qu'on lui a fait, ce n'est pas cette espèce d'accusation lancée à tout bout de champ en disant « il est coupable ». C'est l'écoute à la fois d'une charge et d'une défense, au terme duquel, j'espère, l'on verra bien, on verra bien, ce que ça permettra au jury d'avoir l'intime conviction que cet homme n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés. Ancien collaborateur de Jacques Vergès, Alex Ursulet a conservé de son collègue un certain appétit pour les stratégies de défense offensive. Il s'appuie notamment sur les failles de l'enquête policière, portrait robot peu ressemblant, absence de pied égyptien, erreur dans la comparaison des ADN, et puis les aveux auraient été forcés. Les premiers jours du procès s'inscrivent dans une ambiance pesante. Ils sont consacrés au parcours de Guy Georges, son enfance. L'abandon de la mère maternelle, l'adoption, puis la DAS, le public découvre avec effroi la double vie de cet homme. Le jour, constitué d'errance dans les squats, de séjours plus ou moins longs en prison, de petits boulots, de fêtes, d'amis. C'est un marginal qui se fait appeler Joe. Et la nuit, au moment où le démon se réveille, où il devient Joe the Killer, le jour et la nuit. Il détaille les premiers crimes, les premières agressions pour lesquelles il a fait de la prison, la manière aussi dont il a finalement échappé tout au long de son parcours à une réelle prise en charge psychiatrique. Au-delà des meurtres, et bien avant, Guy Georges a agressé, violé, presque tué. Certaines victimes découvrent au moment de son arrestation leur agresseur, celui que la police n'a jamais retrouvé. Comme cette femme, agressée en 1981 par Guy Georges et ses rituels, comme autant de signatures. C'était le 16 novembre 81. Je me rendais chez mon médecin pour faire une déclaration de grossesse. J'ai pris l'ascenseur et dans l'ascenseur, il y avait un noir. Je suis montée avec lui. J'ai pas vu qu'il avait programmé pour descendre au deuxième sous-sol. Dès que les portes se sont refermées, il m'a donné un premier coup de couteau au sein, aussitôt que les portes se sont refermées. On a commencé à descendre. Quand les portes de l'ascenseur au deuxième sous-sol se sont ouvertes, j'ai essayé de le pousser, en espérant que les portes allaient se refermer assez vite, que j'ai le temps de remonter. Et je me suis coupé la main avec son couteau, et il a réussi à bloquer la porte. De là, il m'a donné un deuxième coup de couteau au sein, et il m'a traîné dans la cage de l'escalier au deuxième sous-sol. Et il a baissé son pantalon, il m'a demandé de... Je dis les mots comme ils m'ont été dits. Hein. Il m'a demandé de le sucer. Alors, est-ce que je l'ai bien fait ou... Je pense que j'ai pas dû bien le faire, puisqu'il m'a donné un coup de couteau au ventre. Et puis, tout en me faisant tout ça, c'est « Je vais te tuer, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi ? Tu vas me reconnaître, tu... » Et puis, au bout d'un moment, il m'a fait mettre sur les marches de l'escalier, il m'a demandé de m'allonger. Il a découpé ma robe avec son couteau, mon soutien-gorge au milieu du bonnet, et la culotte sur les côtés. Il m'a violé. Tout en faisant ça, il tenait son couteau à ma gorge. Il m'a redemandé de le... une fellation. Et puis, à la fin, il est revenu près de moi. Il m'a donné un coup de couteau à la gorge, comme pour me saigner, comme si j'étais un cochon qu'on saigne. Et puis, il a pris mon porte-monnaie, il est parti. Les jours suivants sont consacrés à ces crimes. Chaque jour est entièrement dédié à un meurtre dans l'ordre chronologique. Guy Georges nie, revient sur ses aveux. Et puis, au cinquième jour, le procès bascule. Il est question de l'assassinat d'Elsa Benadi. À nouveau, on confronte Guy Georges aux photos de la scène du crime. Depuis quelques jours, il est plus tendu. Son visage s'est départi du sourire et de l'aisance qu'il affichait au début du procès. Maître Solange Doumic, l'avocate de la famille, décide d'attaquer et de le piéger. Elle lui demande s'il est droitier ou gaucher. « Droitier », répond-il. Elle lui fait remarquer que pourtant il tourne les photos ou prend le micro de la main gauche. Pour les photos, oui, sinon. Et d'un geste brusque, plein de terreur, il tend sa main droite en l'air, il mime un coup qui part, et là, il se rend compte de son erreur. Son geste est comme un aveu. Ses avocats essayent de le rassurer, de le convaincre de s'expliquer. Maître Frédéric Ponce, son autre avocate, fond en larmes. La séance est interrompue. Le procès vient de basculer. La défense est obligée de changer de stratégie. Maître Alex Ursulet revient sur ce bouleversement. « Ce moment terrible que nous avons vécu, s'il est vrai qu'il n'est pas facile de défendre Guy Georges, et si, par moment, la défense a pu donner le sentiment, par des questions peut-être maladroites, ne pas partager la douleur des victimes, c'est une impression. » C'est une fausse impression parce que nous partageons la douleur des victimes. Il nous arrive aussi de plaider pour des victimes. Guy Georges est tendu, fatigué. Ça va faire une semaine d'audience. Il sait que la semaine qui vient est difficile. Il a besoin de se retrancher en lui-même. Et nous sommes là en attente de cette journée de lundi. Qu'est-ce que vous allez lui demander ce week-end ? Est-ce que vous allez lui parler ? Je vais lui parler, bien sûr. Et qu'est-ce que vous allez lui dire ? Lui conseiller ? Je vais continuer à faire mon métier, c'est-à-dire que je vais l'écouter, c'est-à-dire que je vais essayer de l'entendre. Voilà, je vais faire mon métier. Vous savez, c'est défendre Guy Georges n'est pas descendre un long fleuve tranquille, c'est remonter une rivière à contre-courant. Et tout à l'heure, quand j'entendais la sœur de la victime dire qu'elle souffrait, mais je partage sa souffrance. L'avocat de Guy Georges n'est pas quelqu'un qui ne peut pas comprendre cela. Simplement qui demande qu'il y ait une défense, qu'il ait la possibilité d'exprimer sa défense et tout. Guy Georges dispose du week-end pour réfléchir. Il dit « Ce que j'ai à dire, ça ferait mal à tout le monde. Je n'arrive pas à le dire. » Le procès reprend le lundi suivant, comme prévu. L'accusé revient, se mure dans le silence. Le lendemain, il doit être confronté à Elisabeth Ortega, la rescapée. Son avocat, Alex Ursulet, s'approche de lui, lui parle de son père, du pardon. Et puis à la question, avez-vous agressé Elisabeth Ortega ? Ouais, murmure-t-il. Guy Georges vient d'avouer. Son avocat dresse la liste des victimes de son client qui est en larmes. Entre deux sanglots, il murmure. Oui. Guy Georges reconnaît les faits. Les jeux sont faits. Au 14e jour, le verdict tombe. Guy Georges est condamné à la perpétuité assorti de 22 ans de peine de sûreté. Alors, il demande pardon à toutes les victimes. Un pardon trop dur à accepter pour certaines. Quand on a vu sa fille dans un cercueil, 2 mois après son décès, en décomposition, on ne pardonnait pas. Je ne suis pas catholique. Dieu pardonne. Nous, on ne pardonne pas. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Le temps que j'ai devant moi, je souhaite ne jamais le rencontrer. Il a demandé pardon, ça ne veut rien dire. Il n'a aucun savoir-vivre, il a respect de personne. Il ne sait pas ce que ça veut dire, il a demandé pardon. Parce qu'il a peur pour son existence à lui. Après 7 ans d'enquête et 2 semaines de procès, la nécessité de mettre en place un fichier national des empreintes génétiques devient une évidence. Il est voté le 17 juin 1998. Les psychiatres qui se sont succédés à la barre pour essayer d'expliquer le cas Guy Georges sont tous arrivés à la même conclusion. Cet homme-là n'est pas fou, il est conscient de ses actes. C'est le profil du monstre froid, indéfendable aux yeux de beaucoup de nos concitoyens, sauf pour ses avocats, bien sûr, sauf pour l'état de droit qui nous rappelle en toutes circonstances que la mission d'un avocat n'est pas d'aimer l'accusé, mais d'aimer défendre l'accusé. Un break de batterie coule sur la FM. Il se mêle à mon sang et fait de moi un phénomène étrange. La cadence à fleur de peau, 5, 4, 3, 2, 1, tempo. Le vent se lève pour dire que mon karma suit la cadence qui me mène au nirvana. Ensorcelé, le pacte est scellé. La beauté du corps sans effort, c'est de danser. On me traite de traite quand je traite de la défaite du silence. Le silence est d'or, mais je choisis la cadence. Une vague, un cyclone, que dit la météo? Qui sème le vent récolte le tempo. Qui sème le vent récolte le tempo. Chaque mot, chaque phrase, dit avec emphase. Fais de Claude MC le commando de la phrase. Le tempo est roi dans l'arène musicale. Les rênes sont à moi, torero, lexical, matador. Prêt pour la mise à mort, après le corps à corps. Alors fais un effort, remue ton corps plus fort. On est d'accord, pas de temps mort, mais sache pourquoi. Parce que le tempo est roi, le paramètre est paranormal. Que dire, que dalle, Claude MC s'installe. Ancré dans les annales, exemple, le rock, la salsa, le twist, le reggae. Petit à petit, sans faire de bruit, se sont imposés. Car qui sème le vent, récolte le tempo. Le tempo. Au nom du père, du fils et de Claude MC, Solar vous invite dans les rap parties. Car je suis un MC d'attaque, sans dire qu'authentique, pas en toque. Prêt à frapper, c'est le beat pour le mouvement hip-hop. Coûte que coûte, j'écoute et je goûte cette solution aqueuse qui les rend heureuses. C'est du rap liquide, fluide, créé par un druide, un peu speed qui file comme un bolide. Pour ne pas faire un beat du rap d'attaque qui frappe et pas te matraque et pas t'attraque. Plus tant tu claques, lui, MC des cartes, pas un MC. Vrai d'être authentique sans aucune panique. Prêt à frapper, c'est le beat, alors mon ami, écoute bien cette musique. Car qui sème le vent récolte le tempo. Le pédagogue au nom de code Solar ou Claude MC te propose d'écouter ceci qu'on appelle les voyelles des consonnes, les consonnes. La musique est bonne, je prends souvent le temps d'aller de l'avant. Je ne perds pas un instant car c'est de l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, fait-il le malheur? L'essentiel est d'être à la hauteur. Pas de morale sur ces quelques mots. Qui sème le vent récolte le tempo. Qui sème le vent récolte le tempo. Le tempo. Le tempo. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Guy Georges, notre invité Frédéric Tellier, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le réalisateur du film L'affaire SK1, adapté évidemment très directement de cette histoire de Guy Georges. D'abord, pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette histoire-là, sachant que l'éventail du choix dans les, ce qu'on appelle les faits divers, la rubrique police-justice est large, hein. Pourquoi cette histoire-là? Ben, d'abord, merci de m'avoir invité. Au moins pour 2 raisons. D'abord parce que je l'ai connu quand j'étais gamin. Je l'ai fréquenté. C'était les années, fin des années 80, début 90. J'étais tout jeune, monté à Paris. Je, J'ai vécu avec effroi cette actualité-là. Et puis après, quand l'idée artistique, entre guillemets, m'est venue de réfléchir à comment en faire un film, pourquoi pas en faire un film, c'est vrai qu'elle a de tels ressorts dramaturgiques qu'aucune autre affaire n'a, quasiment, quoi. Le papa de la première victime qui a eu un crime similaire un an et demi avant dans sa famille, qui oublie de le dire aux policiers, aux enquêteurs, on n'oserait pas l'écrire, on n'oserait pas fictionner, inventer quelque chose comme ça. Il y a eu des ressorts. Et puis, c'est une des affaires les plus lourdes contemporaines de la brigade criminelle à Paris. C'est une affaire terrible qui appartient à notre histoire à tous, qui m'avait beaucoup marqué, quoi. Alors parfois dans Affaires Sensibles, on propose aux éditeurs, aux auditeurs de réécouter une histoire, mais nous invitons toujours un invité différent pour un regard nouveau. Et ce regard nouveau, il est par le cinéma aujourd'hui. Comment on aborde alors sur le fond un film comme ça par rapport aux motivations qui sont celles générées par la réalité? C'est comment on l'aborde d'un point de vue artistique? Quel est le parti pris? C'était quoi la note d'intention finalement, votre note d'intention? Elle a été compliquée à accoucher, cette note d'intention, parce que l'affaire est tellement sensible, tellement émouvante, que c'était très difficile de la légitimer en fait par un objet artistique, si ce n'est que l'art en général, et peut-être le cinéma en particulier, permet de s'approcher de l'âme humaine, quoi. Donc moi, mon idée, c'était ça, c'était de proposer une expérience au spectateur, d'être un acteur dans cette affaire, enfin, de ne pas prendre parti. Je dévoile pas le film pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, hein, qui auraient envie de le voir, mais on est dans l'histoire, plongé entre deux lignes narratives à 10 ans d'écart, qui est l'enquêteur qui s'appelle Charlie dans le film, qui est arrivé sur la première affaire et qui a traqué Guy Georges pendant 10 ans, et 10 ans plus tard, en 2001, le procès et le point de vue de l'avocate, Maître Ponce, Frédéric Ponce, à l'époque, qui a défendu Guy Georges. Voilà, et ces deux lignes narratives se répondent, se répercutent presque, se s'entrechoquent en permanence, sans prendre de parti, avec, voilà, chacun découvrira ce qui s'est passé et comment se positionner au milieu de tout ça. Avec l'avantage de l'outil qui est le cinéma, comme le théâtre d'ailleurs, de pouvoir compresser le temps sans le vider de sa substance aussi. J'espère. C'est vrai que le gros challenge, c'était ça. C'était de résumer 10 ans en 2 heures, avec bien sûr au milieu toute l'interprétation que ça demande et qu'il faut savoir pardonner. Parce que évidemment que j'ai mis plein de choses de côté, plein d'articulations, j'ai pas pu les mettre, plein de faits ont été passés sous silence. Il en reste pas moins qu'il y a globalement cette trame qui est réellement celle qui a existé. 70%, je pense 80% de ce qu'il y a dans le film, c'est des extraits de procès-verbaux. Donc ça s'est passé comme ça. Après, il y a un petit peu de romance, voilà, de raccourcis dramaturgiques indispensables. Mais ouais, ça s'est passé comme ça, en très condensé, effectivement. Comment vous vous êtes préparé? Parce qu'il faut s'imprégner de l'histoire. Il n'y a pas 10 000 façons de s'imprégner de l'histoire. Hein. Il faut se documenter. Comment s'est passée cette phase-là? Ça a duré longtemps? Ça vous a posé des difficultés? À un moment, se dire, mais bon sang, il y a une telle somme quelle partie je prends, quoi? Quel angle? Nous, les journalistes, on dit angle. Mais voilà. Je pense que je me suis beaucoup moins bien débrouillé que vous, journaliste. parce que c'est pas mon métier en fait je dirais qu'il y a une espèce de préparation un peu inconsciente pendant une dizaine d'années. Je connaissais cette affaire, je collectionnais des bouts de papier, des interviews de manière un peu inconsciente. Et puis il y a eu la préparation vraiment 3-4 ans avant. J'ai commencé à écrire, à synthétiser tout ça, et j'y suis allé avec beaucoup d'émotion en fait, ce qui m'a pas toujours servi, parce que je me suis souvent un peu noyé dans cet énorme gâchis humain de cette affaire. Voilà, et je vous racontais tout à l'heure hors antenne que j'ai souvent été ressorti d'ailleurs de mon émotion par ma complice qui était journaliste, Patricia Touranchot, qui avait tout à fait suivi cette affaire. Oui, que nous avons reçu plusieurs fois ici dans Affaires Sensibles, c'est pas fini. Et souvent, moi j'aborde beaucoup d'affaires vraies dans mes films, je m'en sors grâce aux journalistes qui ont un point de vue justement assez analytique sur l'affaire, ce qui me permet moi d'aller chercher plus le travail de l'âme humaine dedans. Alors, comme vous, spécialement, vous êtes pile entre les deux, entre tous vos métiers, vous comprendrez de quoi je parle. Mais c'est vrai que la complicité journalistique est à quelque chose de l'histoire, quoi. C'est-à-dire, ça me ramène dans les faits. Voilà. Alors, est-ce que vous avez été un peu gêné aux entournures, si je puis parler ainsi, par certains protagonistes de cette histoire que vous dites, et vous avez raison, sensible, hein, parce que la police vraiment et la justice se sont retrouvées très très mal en point par rapport à cette affaire. C'était terrible, ouais. Quoi, vraiment terrible. Est-ce que on vous a dit un peu embêté, quoi. J'ai eu plein de situations très difficiles à gérer intimement pour moi. D'abord le contact avec les familles de victimes, celles qui ont voulu prendre contact avec moi. Je les ai toutes contactées. Certaines m'ont donné des retours. Ça, c'était très compliqué. Trop, ça m'a submergé par moments, il a fallu gérer ça. Avec la brigade criminelle, ça s'est très bien passé parce qu'effectivement, il y avait un gros trauma sur cette affaire et là, c'était le moyen de le sortir. Ils m'ont mis à l'épreuve, à l'incubateur, comme ils disent. J'ai été longtemps avant qu'ils me donnent leur confiance. Mais quand ils me l'ont donné, j'ai vraiment eu porte ouverte et une grande complicité de leur part. Après, il y a eu la défense aussi. J'étais en contact avec la vraie Frédéric Ponce et Maître Ursulé, les deux avocats de Guy Georges. Et évidemment, par moment, on a eu des discussions. Moi, ce que j'essayais de faire dans le film, c'était de pas montrer, je ne crois pas, d'ailleurs personnellement, je ne crois pas particulièrement au pardon, mais je crois à la compréhension. Et c'est vrai que sur cette très lourde affaire, de montrer que la police, c'est ceux qui agissent dans la société pour stopper le mal, et ensuite la justice, c'est pour la décrypter, comprendre, peut-être nous faire grandir un peu en décryptant les faits pour se dire on aurait peut-être pu éviter la prochaine fois. Voilà, j'essayais de rendre hommage à ça, avec des zones d'incompréhension dedans. Voilà, le cinéaste est souvent un trait d'union entre tout ça, donc parfois on se prend des coups, quoi. Est-ce que les familles sont assez présentes, finalement, dans ce film, ou est-ce que vous vous êtes dit, il faut que je reste quand même plus près de l'enquête, sans verser dans l'émotion, parce que les familles, c'est le versant émotion quand même, c'est quand même ce qui nous touche. On n'a aucune compassion pour ce Guy Georges, on en a pour les familles, bien sûr. Ouais. et pour les victimes et les familles des victimes. Est-ce qu'elles sont assez présentes? Peut-être pas, du point de vue des familles, en tous les cas, sur la narration pure. J'ai la prétention de penser que le film est à l'équilibre pour un film, pour un objet cinématographique, et que tout le monde comprendra que l'immense douleur de cette affaire, c'est les familles de victimes. Voilà, j'ai essayé de leur rendre hommage du mieux possible. J'ai fait ce film pour qu'on n'oublie pas les victimes non plus. Mais il fallait bien que je propose aussi un objet cinématographique pour des gens qui payent 12 euros pour aller voir un film au cinéma. Bien sûr, et rester près de l'enquête, pour le coup, avec parfois son côté froid. Parce que la justice a aussi ce côté froid qu'elle doit avoir, d'ailleurs. Ouais, sans haine, sans vengeance. Mais c'est vrai que la proposition du film, en tous les cas, là, on s'éloigne un peu purement les faits de l'affaire dont vous parliez, mais le film proposait d'aller explorer les dégâts que fait le mal quand il s'insère dans notre société, y compris chez le poulet, chez le flic qui a couru après pendant 10 ans, y compris chez l'avocate qui, elle, a fait un fantastique chemin de vérité à l'époque, qui a fait totalement machine arrière pour faire avouer Guy Georges et qui s'en est toujours très très mal remis. Donc voilà, moi j'ai essayé de m'approcher de cette petite ligne d'équilibre très imparfaite des personnages principaux, quoi. Et est-ce que ça donne aux réalisateurs un sentiment de responsabilité que d'aborder une affaire, forcément, une affaire réelle? Oui, ça donne un sentiment. Je me rappelle que dans l'édition Collector qui est sortie l'an passé, j'avais écrit un mot où je me pose des questions totalement inintéressantes, je vous le dis tout de suite, mais qui me travaillent beaucoup moins, du genre, est-ce que le cinéma peut réparer? Dans ces cas-là, est-ce que ça répare quelque chose? Je me pose toujours la question, mais j'ai l'impression que quand je fais ce genre de film ou quand j'ai d'autres cinéastes que je connais qui attaquent ce genre de sujet, on est presque en train de faire une mission, quoi. Il y a quelque chose qui dépasse les 4 ans de vie qu'on va passer à faire un film. Il y a quelque chose qui nous guide, qui fait qu'on dort plus la nuit, qu'on s'occupe plus de nos enfants, qu'on passe pas de week-end, etc., etc. Donc oui, il y a peut-être de la responsabilité, il y a beaucoup de responsabilité en tous les cas, d'essayer d'être juste, d'essayer d'être un bon cinéaste aussi, d'essayer d'être un peu un historien, un peu un journaliste, un peu un empêcheur d'oublier ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses, quoi. Alors, finalement, quel est votre rôle complémentaire, effectivement, par rapport à des journalistes, par rapport à des historiens qui sont des raconteurs d'histoires vécues? Le cinéaste, finalement, quelle est la pierre, lui, qu'il apporte en complément. Ben, je pense vraiment que le cinéma consiste à s'approcher de la vérité des hommes, disait un grand cinéaste. Je pense que c'est vraiment ça, ça nous permet... Explorer les âmes, quoi. Ouais, au-delà des faits, au-delà des phrases, au-delà des commentaires, explorer l'âme humaine. Le cinéma est un média de personnages en avant. Après, on en parlait tout à l'heure en antenne aussi, il faut une bonne histoire, un bon sujet même dans cette bonne histoire. Mais il faut des personnages, il faut qu'on s'approche des personnages, des mécaniques internes, des tourments, des tracas, des moteurs, de ce qui fait qu'un personnage avance, se casse la gueule, renaît. Voilà, le cinéma est très proche de la vie, quoi, en fait. On va écouter un extrait, bien sûr, on va même écouter deux extraits de votre film SK. On va commencer, comment on va terminer d'ailleurs, par les aveux, parce qu'il y a eu les aveux et les contre-aveux. Hein. On va commencer par les aveux de Guy Georges. Alors, pour le coup, devant le policier en charge de l'enquête du premier meurtre. On écoute. Quand je me suis levé ce matin-là, je savais que je tuerais avant la nuit. Ça me trottait dans la tête. J'avais déjà connu ça. Un genre de pulsion. J'ai pris un Opinel et du Chatterton et... Le soir, j'ai vu passer cette belle fille. Elle m'a tout de suite plu. J'ai flashé sur elle. Elle était belle. Blonde, petite, tout en noir, en robe et collant sexy. Je venais de terminer mon demi, j'ai payé, le serveur m'a rendu la monnaie, j'ai suivi la fille. Chez elle? Ouais. Elle a fait son code, je me suis glissé derrière elle. Je l'ai doublé dans l'escalier. Je suis monté jusqu'au dernier étage. Elle aussi. À la dernière marche, elle était surprise de me voir. Elle m'a demandé ce que je voulais. J'ai sorti mon couteau et j'ai dit « toi ». Voilà, c'est une façon de rendre hommage également au travail que vous avez réalisé avec Adam Anian, qui est l'acteur qui joue Guy Georges, et à son travail, hein, parce que c'est bien beau de dire un acteur fait ça, mais enfin, il faut qu'il aille aussi chercher les ressorts pour le faire. Par exemple, cette scène-là, comment vous l'avez tournée, et comment il a réussi à entrer dans le personnage de Guy Georges, qui n'est pas monolithique, hein. On pensait que c'était un cinglé, un fou, bah non, c'est pas le fou qu'on imaginait. Quel est le travail que vous avez fait, puisqu'il s'agit d'explorer l'âme humaine, y compris l'âme la plus noire qui soit la sienne? Comment vous avez fait? Cette séquence précise m'a totalement échappé. Tiens donc. j'ai beaucoup travaillé avec Adama pour le choisir, pour être sûr qu'il comprenait ce qui se passait, pour être sûr qu'il était prêt à assumer l'impact de ce rôle-là aussi. Ça, j'ai beaucoup travaillé avec lui, je l'ai beaucoup emmené dans ces endroits-là, psychologiques, en passant du temps, en faisant des lectures, etc. Travail d'imprégnation d'abord. Ouais, complètement. D'imprégnation et d'être sûr de compréhension de la responsabilité de ce rôle, quoi. Et d'être sûr qu'il allait pouvoir en sortir après aussi, parce que, et il disait souvent, lui, à juste titre, quand on lui posait la question, il disait souvent, il y a deux êtres chez moi, il y a l'acteur qui a accepté et l'être humain qui a compris plus tard que c'est ce que j'étais en train de faire. Et je pense qu'il avait tout à fait raison et que vous-même, acteur, vous savez de quoi il parle. Il y avait vraiment l'homme et l'acteur, quoi. Mais sur cette scène spécifiquement, j'ai eu la grande chance d'avoir le vrai Charlie, le vrai enquêteur qui était avec moi, dont je suis très proche maintenant. Et en fait, je lui ai demandé ça comme un service, de s'occuper des deux acteurs, Raphaël Persona et Adam Anian, puisqu'il est le seul, lui, à avoir vécu ça, puisqu'il a fait accoucher des aveux Guy Georges en 98. Donc, il les a pris tous les deux à part un jour, j'étais pas là, et il leur a raconté, il a passé une journée avec eux pour leur raconter ses aveux. Et moi, j'avais rendez-vous avec les acteurs trois semaines plus tard pour tourner cette séquence que j'avais préparée sur le plateau. J'avais plusieurs caméras. J'ai essayé de la tourner en très peu de temps. Ils étaient chargés à bloc quand ils sont arrivés. Ils étaient nourris, quoi. Ah ouais, ils ont déballé en trois prises et c'était fait, quoi. On va écouter un deuxième et dernier extrait. Alors là, pour le coup, Guy Georges revient sur ses aveux. Mais là, c'est au moment du procès, parce que tout le procès est là pour le faire avouer. Hein. Et on va écouter la scène où il finit par craquer. Ouais. Guy Georges. Pour toutes ces familles, ces mères, ces sœurs de victimes, pour votre famille, votre père, George Cartwright, où qu'il soit, pour qu'il puisse vous pardonner si vous portez quelque chose de trop lourd, sortez-le. Avez-vous agressé Elisabeth Ortega? Oui. On ne vous a pas bien entendu. Oui. Avez-vous tué Mademoiselle Escarfay? Oui. Avez-vous tué Mademoiselle Rocher? Oui. Avez-vous tué Mademoiselle Benadi? Oui. Mademoiselle Frimkin? Oui. Mademoiselle Sirotti? Oui. Mademoiselle Magde? Oui. Alors, le procès, évidemment, déjà un prétoire, une cour d'assises, c'est un rituel théâtral. Hein, oui. Avec des personnages qui sont assis toujours aux mêmes places, habillés de la même façon, le président en rouge, l'avocat en noir. Tout ça est très dramatique, déjà. Oui. Est-ce que c'est un ingrédient du cinéma aussi, le prétoire, le procès? C'est un ingrédient piégé parce qu'on s'ennuie souvent dans les séquences de procès au cinéma. Hein. C'est pas très actif. Il faut être, avoir des vraies idées de mise en scène. Mais c'est vrai que là, c'est le moment du grand lavement, quoi. C'est là que tout est lavé, tout est remis à neuf autant que faire se peut. Donc c'était très important pour moi. Par ailleurs, j'avais fait lire le script au tribunal de Paris qui avait décidé de me prêter cette salle où a eu lieu le procès, le vrai procès en 2001. J'y suis retourné. Donc c'était très émouvant d'y tourner dans cette salle qui est très impressionnante, cette grande salle d'assises à Paris. C'était pas une grosse partie du film, donc ça allait, mais c'est une partie extrêmement importante. C'est l'un des ponctuations très fortes du film. Ouais. Et votre regard, alors, sur ce qu'a été le procès de Guy Georges? Ben, une fois de plus, je pense que la justice est là pour faire un travail de compréhension, que les gens l'admettent ou pas. Moi, j'ai parfaitement conscience qu'un avocat, l'avocat d'un salopard n'est pas forcément là pour défendre un salopard. Il est là pour faire que la société comprenne ce qui s'est passé. Donc, je suis très impressionné par ces moments-là. Maintenant, ce que j'en retire, c'est la folie humaine qui est telle qui va tellement loin qu'on est obligé de s'organiser à ce point, d'avoir ce côté théâtral gigantesque pour faire avouer un petit bonhomme qui a été malheureux toute sa vie, qui a fini par tuer d'une manière dramatique cette jeune femme innocente. Non, parce que ça peut marcher, la preuve. Bien sûr. Heureusement. C'est celui-là. Heureusement. Très bien, il nous reste que quelques secondes, Frédéric Tellier, sur un autre projet actuellement. Vous n'êtes pas obligé de me dire, hein, quelquefois il faut garder secret, mais enfin bon, c'est quel genre de... Est-ce que c'est encore sur une histoire vraie? Exactement. C'est mystère, mais pas de secret. Oui, je tourne mi-juin un film qui s'appelle Sauver ou Périr sur les sapeurs-pompiers de Paris. Bien, merci infiniment, Frédéric Tellier. Merci beaucoup à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Guy Georges, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'affaire du pain maudit à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. C'est une histoire qu'on peut qualifier d'hallucinante.